pas la lumière. Laissez-moi dans le noir total, n'allumez pas la lumière. Laissez-moi dans le noir total. Salope, t'es pas mon pote, ça y est, maintenant je marche seul. Ami ou ennemi, je vous ai mis dans le même sac. Balaye devant ta porte, t'arrives, je veux pas de tes rappels. Toi t'es chelou, on fait pas partie de la même secte. Au quartier, y'a la frappe qu'on a récupéré perdu. Mais la grouille à les Schmitt, on a fermé le Hainoun. Quand t'es vivant, ils disent tous que t'es un Harki. Et quand t'es dans le trou, ils disent tous que t'es Hainoun. Enfermé en prison, je pense à tous mes carteurs. Et si c'est trop cramé, on va carter au Qatar. Moi j'ai porté mes couilles, dis-moi qui va me hacker. La force est dans mon doigt, je ne sais pas faire la bagarre. Ils vont niquer leur mère, les petits n'ont plus de respect. Ici y'a trop de putes, comprends pourquoi je reste pas. T'es jamais rentré en toile, wesh mon pote, c'est suspect. J'suis bientôt dans le game, la vie de ta mère, tu rêves pas. Ils m'ont tiré, tiré, tiré dessus. Ils m'ont jamais eu car maman fait Dora. T'étais mon pote et gros, tu m'as déçu. Ne t'inquiète pas, l'usure en Dora. Je sais de quoi je te parle, y'a pas plus salope que l'humain. Et pas me faire la bise, on m'a dit quoi tu parlais mal. Je suis bien dans le noir, n'allumez pas la lumière. Seigneur, je suis désolé, je suis manipulé par le mal. Allumez pas la lumière. Laissez-moi dans le noir total, n'allumez pas la lumière. Laissez-moi dans le noir total, n'allumez pas la lumière. Laissez-moi dans le noir total, n'allumez pas la lumière. Laissez-moi dans le noir total. Et t'as manqué de respect à des hommes, tu sais. La marche arrière est cassée, t'as voulu te mélanger des ethnos, tu es. La marche arrière est cassée, quand on fera un, faudra tous te les faire. La marche arrière est cassée, on ne reviendra jamais de l'enfer. La marche arrière est cassée. Je ne veux personne à mon enterrement. Si tu veux me faire, tu viens pour te faire le maintenant. Le malheur des hommes fait le bonheur des putes. À trop faire confiance, je vais mourir bêtement. Remballe tes paroles, je ne crois qu'en ce que je vois. Je me suis fait tout seul, dis-moi qu'est-ce que je dois. Je reviens de là-bas, poteau, qu'est-ce qui fait noir. J'enregistre à la mort, qu'est-ce qui fait froid. J'ai connu la misère quand y'avait des gueules dans l'assiette. La police nous levait, je suis béni avec les cernes. Je sais pas si tu vois la scène. Mon peuple a son histoire qu'on a jeté dans la scène. Mon pote il est au ch'tard, ça fait un bail que je l'ai pas eu. J'ai des trucs à gérer et au parloir j'ai pas été. Il croit que je suis blindé dedans et il se fait des films. À sa sortie il dira à tout le monde je l'ai pas aidé. Je commence par qui? Le soir je dors pas. Braque-moi devant par Allah, j'ai pas grave. J'ai peur que de Dieu et du péage de l'enfant. De l'enfant, y'a du sang qu'à couler. Le cœur ou la tête, je l'ai ramené au cimetière. Ils m'ont tiré, tiré, tiré dessus. Ils m'ont jamais eu car maman fait Dora. T'étais mon pote et gros tu m'as déçu. Ne t'inquiète pas, l'usure on t'aura. On peut te lever la vie, hey, sur un coup de tête. Te donner le go, hey, sur un coup de tête. Y'a que des braqueurs, des carteurs et des crétins. C'est pas que j'ai peur de la mort, c'est que je m'en bats les couilles d'être. N'allumez pas la lumière. Laissez-moi dans le noir total, n'allumez pas la lumière. Laissez-moi dans le noir total, n'allumez pas la lumière. Une chose est sûre, c'est qu'on perdra pas nos couilles, frère. Laissez-moi dans le noir total, n'allumez pas la lumière. La mort avant le déshonneur. Hein? Laissez-moi dans le noir total. Hein? Et t'as manqué de respect à des hommes, tu sais. La marche arrière est cassée, t'as voulu te mélanger des étoiles, tu es. La marche arrière est cassée, quand on fera un, faudra tous te les faire.